besoin de toi, amor. Comme la sirène de l'océan pleure sur son sort. Tant que j'aurai besoin de toi, mi amor. Comme un oiseau des mers.